Section 111 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 111. Variations sur Paris par Louis Depré. Chapitre 2. Parisien et provincial. Bulwer Lytton intitule une de ses histoires « My novel ». Si j'ai fait un jour mon roman, vaine hypothèse de songeur, banale façon de parler, personne n'ayant jamais fait son roman, je ne serai pas en peine quant au sujet. Partout et sans cesse, je porte avec moi ce sujet dans une énigme qui parfois m'obsède. Entre les deux ou trois idées principales qui domineraient l'action de ce roman, il en est une dont je fus inquiétée depuis tantôt le quart d'un siècle. Je veux dire l'antagonisme moral et extérieur aussi entre ces deux facteurs de la France. D'aucuns prononcent ces deux moitiés, la province et Paris. Je ne me suis jamais interrogée moi-même sur les plus vifs plaisirs que m'ait valu ce monde, sans que la réponse intérieure ne fût toujours celle qu'on va lire. En vérité, mes joies préférées, à aucune époque de ma vie, n'ont manqué d'être des courses matinales par un clair soleil à travers Paris. Cependant, je suis d'origine à la fois champêtre et fluviale, si l'on peut dire, descendant d'une lignée batelière et marchande établie en pleine province, pas bien loin de Paris géographiquement, où les plus intraitables doctrinistes de l'avatisme n'auront pas retrouvé même un éclair de cet amour de Paris, chauffé à la flamme de mes désirs taciturnes et magnétiques. Je sentais douloureusement que cet amour me séparait d'avec les miens, alors je mangeais sous leur toit le pain de leur travail, et que ce rêve me rejetait par le cœur hors du cadre natal. C'est ainsi que, dès mes premiers pas dans la vie, à l'heure où le choix décisif qui nous presse exigerait un esprit qu'on encourage, un cœur appuyé sur d'autres cœurs, je fus la victime de cette hostilité fondamentale et grandissante entre mon amour et mon berceau. On a parlé d'un antagonisme extérieur et moral aussi entre la province et Paris. Ceux qui n'y regardent pas en philosophe et tranchent toutes les questions après un rapide coup d'œil à leur surface déclarent avec l'originalité de M. Joseph Prudhomme que les torts sont égaux. Le mal provenant à la fois de l'infatuation railleuse de Paris et des méfiances rancunières de la province, celle-ci critique pesante, éterne imitatrice de sa sœur trop radieuse. Nous sommes attirés comme par un charme vers cette question. Elle nous a déjà occupés dans des pages dont nous n'avons pas le dessein de reproduire ici même une ligne, encore bien qu'elle ne soit pas restée sans doute dans la mémoire du lecteur. Cependant, tout n'était pas inutile ou funeste dans cette ironie sèche et salubre de Paris. Les petites importances du chef-lieu, les fausses vocations n'osaient guère s'y offrir, ou répartaient bien vite, désabusées, sinon guéries. Aussi longtemps que cette blague parisienne n'a servi d'épouvantail et de fléau qu'aux façons prétentieuses, aux phraseurs sans merci, aux hypocrites de moralité, aux littérateurs imbéciles, aux poètes d'académie régionale, le mal ressemblait fort à un bien. Contre des ridicules ressortissants du vaudeville, ce rire du bout des lèvres était tout-puissant. Il servait comme d'une barrière idéale contre l'invasion de la sottise. On entend la sottise dans l'ordre de l'élégance des lettres. Toute la France était intéressée à cette police de la justesse et du goût, exercée par une partie de la France sur l'ensemble du pays, pour ne point dire sur le reste de l'Europe. Les protestations de mesquines personnalités, quelque peu livrées au rire, tombaient sans écho même dans les oreilles de leurs compatriotes, d'ailleurs agréablement chatouillées par le déplaisir d'un voisin ou d'un camarade d'enfance, plutôt que sensibles à telle leçon spirituelle, à quelque délicate satire. Au surplus, le mal que nous avons dit ressemblait à un bien était d'autant mieux pardonnable que sur cet article de la critique des formes, du ton, de l'extérieur et des manières, la province avait quelquefois, à l'endroit du Parisien, égaré chez elle des revanches pareillement dignes de la gaieté du vaudevilliste. Il nous revient que, ces dernières années, l'on joua, non sans succès, sur une scène parisienne, une comédie en quatre actes, intitulée « Les Parisiens en province ». Il ne nous a pas été donné de pouvoir juger à la représentation cette pièce qui a réussi jusqu'à la vogue par sa bonne humeur et dont les auteurs compteraient, nous dit-on, parmi les rares espérances des amis du rire au théâtre. Aussitôt la brochure éditée par un libraire dramatique, nous nous sommes empressés de la lire et nous sommes loin de regretter l'heure employée de cette façon. Nous avons trouvé cette lecture amusante. Mérite d'exception dans une œuvre tout en mouvement, en cache-cache, en allée et venue, et jeu de scène. Il s'agit des tribulations de mille sortes qui assaillent un famille de marchands parisiens retirés du commerce dans la bourgade normande où le chef de cette famille a cru trouver respect, repos et liberté. J'avais, sous la foi du titre, conçu la pièce autrement. Saurait été la revanche de la province au regard du ridicule, lequel est essentiellement, comme on sait, affaire de circonstances, de cadres et d'optique. Une catégorie très nombreuse de faux parisiens, archi-faux malgré l'état civil ou la résidence, nous offre un choix varié de physionomies, plus ou moins drôles ou grotesques, pour la galerie de personnages que j'entrevoyais. Que l'on se représente le comique de certaines façons parisiennes ou plutôt des façons de certains parisiens. Hors de leur entourage étroit et artificiel, les piaillements des femmes et les grimaces des hommes dans des milieux larges et clairs où leur dédain et leur mine seraient simplement pris pour du cabotinage, où ils ne compteraient plus pour rien, sauf au prorata de leurs dépenses en bon argent et en services positifs. De la sobre ironie mondaine et littéraire dont tout proclame l'utilité, provincial est passé terme d'injure, dans le dialecte d'un clan de bohème du journalisme et de la politique. Cependant, s'il y a Paris et Paris, également, on trouve province et province. Toute la question est là. Chez nous, la fausseté et le chaos des idées viennent de ces formules absolues où se complaisent l'ignorance, la frivolité, la paresse d'esprit des uns et des autres. Pour notre grand et peut-être irréparable malheur, depuis nombre d'années, particulièrement depuis la guerre, l'antipathie et la séparation entre Paris et la province ont éclaté dans un ordre plus grave, et qui, si l'on y remédie, fournira bientôt une épithète grosse de péril au vocabulaire des querelles politiques et administratives. Voici que, de la plume des publicistes de département transportés à Paris, l'épithète de provincial est entrée dans l'usage des élus du suffrage universel. Dans le compte-rendu, pas très ancien, d'une séance au Conseil municipal de Paris, où l'on compte des Parisiens de Montélimar et de Pologne aussi, au courant d'une dispute à propos du mur d'enceinte, un membre quelconque n'a pas trouvé de pire injure pour en accabler son contradicteur que de l'appeler provincial. C'est alors que le très spirituel A.S. est intervenu dans le débat avec sa précision gaie, son charme de poète et son éclatante fantaisie. « Et là-bas, vous, monsieur le membre, a-t-il riposté dans un journal universellement lu, citoyen qui provincialifiait les autres avec tant de dégoût. Vous êtes bédarieux, mon ami. Cela fait donc deux provinciaux, et avec moi, ça en fait trois, ajoute fièrement A.S., enfant de la Gironde et l'un des esprits les plus français de Paris. Plus récemment encore, on nous a servi mieux. Cela a été difficile pourtant que l'injure du membre quelconque. C'est l'apologie du nouveau préfet de la Seine, s'excusant de l'infirmité et de la honte de n'être point natif de Paris et promettant à messieurs les conseillers de ne rien omettre pour couvrir cette tâche. Mauvais moyen que tant de zèle, dirait un mien ami qui a beaucoup philosophé sur la question. En effet, qu'est-ce que le comble du provincialisme ? C'est d'être fâché que l'on vous appelle provincial. un vrai Parisien, mais de la coquetterie à se traiter soi-même de tel, et ne souffrirait pas d'une épithète que les meilleurs et les plus illustres Parisiens justifient avec bonheur, pendant moitié de l'année. Enfin, un avis à quiconque est vraiment la dupe d'un adjectif qui ne devrait opérer ses ravages que parmi le monde des niais. Tenez-vous si fort à posséder l'air parisien? Eh bien, attachez-vous à ne pas trop vouloir le paraître, et surtout, ne vous targuez point de l'être. Il en est de cela comme de la bravoure. Les connaisseurs croient et s'intéressent seulement à ce qui ne s'affiche pas. Un de nos amis, écrivain adopté par Paris et par la gloire, et d'ailleurs venu au monde à 150 lieues de Paris, nous disait l'autre jour « Je distingue certainement, si l'on tient compte des nombreuses tribus d'étrangers installées à Paris et des innombrables représentants de tous les coins de la France, courants internationaux, où l'essence parisienne d'autrefois est aujourd'hui comme diluée homéopathiquement, oui, je flaire dans cette ironie agressive envers la province une odeur d'intrigue pratiquée par d'astucieux étrangers ou même par des provinciaux ridicules. Je me suis, poursuivait ce témoin précieux, toujours vu traiter fraternellement, je parle de mes débuts, par les vrais Parisiens. Au contraire, lorsque, à la suite d'une forte résistance de ma part à quelque entreprise incongrue sur ma générosité ou sur mon opinion, qu'il m'ait déplu d'entretenir pour ma part un faiseur de dupes, de fraterniser avec un tapageur de brasserie, de trop me souvenir ou de trop oublier, je fus appelé provincial. Ça a toujours été par des tout Paris du Poitou, des Anglais de Libourne, des boulevardiers de Mâcon et des académiciens de Montmartre. Le jugement et l'élégante satire d'autrefois ont fait place à une simple manœuvre de politiciens de département ou d'intrigants exotiques, jaloux d'accaparer les avantages de Paris ou rêvant de l'isoler, par une acerbe inimitié du reste de la France. Tout l'intérêt visible et pressant pour chacun de nous, au nom du patriotisme et de la sauvegarde personnelle, qu'il y a d'être sensible au péril de cette manœuvre. Fin de la section 111, Luparagnès, Obi, 2025.